et donc avec Anatole, Mathilde, Paul, Lola et Mathieu, on vient de créer ce séminaire. Donc c'est la première séance, sans doute du nom de vous, mais voilà, on va tester sur vous votre projet. Et on va faire une introduction avec Mathilde, mais c'est une introduction au nom du groupe. Et je vais commencer en présentant le projet du séminaire, et Mathilde vous présentera la thématique de l'année. Alors, un séminaire sur les institutions disciplinaires, pourquoi faire? Ça sonne un peu années 70 en plus. Et qu'est-ce qui nous a poussé aujourd'hui à créer ou à recréer un nouvel espace de réflexion collective sur cette question? Autrement dit, quels vont être les enjeux qu'on souhaiterait aborder dans ce séminaire? Alors, il y a un premier enjeu, je vais en distinguer trois. Il y a un premier enjeu qui est historiographique. On a à peu près tous ressenti le besoin, bon, on se connaissait aussi, mais on a ressenti le besoin de faire dialoguer des histoires institutionnelles pour penser plus largement l'un des aspects centraux de la prise en charge des populations à l'époque contemporaine. Populations qui ont en partie vécu, voire même parfois toute leur vie, dans des institutions disciplinaires. Pourquoi c'est un enjeu de les faire dialoguer aujourd'hui? Les champs historiographiques se sont construits progressivement par institution et force est de constater qu'il y a des avancées historiographiques importantes dans tous ces champs. Mais ce sont des historiographies qui se sont construites en reproduisant un certain nombre de frontières institutionnelles, les cartons d'archives redessinant de nouveau des frontières autour de ces champs de savoir, parfois étanches, parfois un peu moins étanches. Et cette construction historiographique peut d'ailleurs paraître un peu paradoxale, puisque pour beaucoup de ces champs, l'impulsion de ces recherches est venue des travaux de Foucault qui avaient justement pensé ensemble ces institutions. Alors on n'est pas les premiers à vouloir faire ça, et je vais citer au moins trois projets de trois entreprises collectives qui avaient cette volonté de croiser ou de connecter les histoires institutionnelles différentes. D'abord un projet Institutions of Confinement de 1992 sous l'égide de Norbert Hinch et Robert Jutte, davantage centré sur la naissance des institutions disciplinaires, alors que nous, si on se distingue un petit peu, c'est qu'on souhaite mettre en évidence les passerelles entre les institutions, pas simplement une histoire généalogique, et aussi une passerelle entre les populations qui vivent dans ces institutions. Il y a eu ensuite, plus récemment, un projet qui s'appelle Enfermement, qui a donné lieu à trois colloques et trois publications. Enfermement, c'est un projet d'historien sur la comparaison entre le modèle monastique, enfin, le monastère et la prison, du Moyen-Âge, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Donc nous, on va aborder une période plus contemporaine, mais c'est un projet qui a abouti sur trois livres assez importants et qui en plus est en train de donner lieu à un web documentaire sur les espaces de l'enfermement qui va normalement être terminé en 2018. Donc notre volonté là, c'est plutôt d'élargir cette première perspective comparative. Troisième travail qu'on pourrait citer, c'est le numéro de 2013 de Culture et Conflit, qui s'intitulait « Où sont les murs? Penser l'enfermement en sciences sociales ?» donc porté par des sociologues, il y avait aussi des historiens qui travaillaient sur ce numéro, avec cette volonté de désenclaver l'analyse des lieux fermés. Donc, on pourrait aussi, puisque Julien et Persona, on pourrait parler aussi du groupe Traitement et Contraintes, qui fait partie, un groupe qui rassemble davantage des sociologues, mais qui croise aussi toutes ces institutions qui nous intéressent. Alors, ça c'était le premier enjeu historiographique. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'imagination historienne ou d'imagination plus largement en sciences sociales. On aimerait, avec ce séminaire, faire surgir de nouvelles questions, de nouvelles perspectives, de nouveaux objets dans l'histoire de ces populations, c'est-à-dire trouver collectivement des pistes, des outils d'analyse, actualiser nos questions et les affûter ensemble. C'est aussi un parti pris de penser que l'inventivité en histoire et sans doute en sciences sociales en général se joue aussi, et peut-être en grande partie en groupe. Le troisième enjeu est plus pragmatique, mais c'est un enjeu de sociabilité de la recherche. Autrement dit, essayer de former un groupe, un petit réseau. Je pense que c'est en train de se faire si vous êtes là, c'est-à-dire que ce projet a des échos. donc créer un espace, un petit réseau, voire un grand réseau. Et ce réseau, on a commencé à l'appeler, à le baptiser. Voilà, ça s'appelle le GRID, le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires. Donc on a beaucoup discuté de l'appellation de ce séminaire, mais on trouvait que le GRID, ça sonnait bien. Et ça renvoie au mot grille en anglais, donc c'est métaphorique. Mais le GRID, donc le GRID désormais a ce séminaire qui vient de naître et un autre projet déjà existant, avant d'en avoir encore d'autres. C'est un projet dont je vais vous parler en quelques mots, mais c'est pour aussi vous inviter à venir. C'est un projet sur l'étude des punitions dans les institutions disciplinaires, punitions qu'on a regroupées sous le mot de micro-pénalité et qui va donner lieu à un colloque en décembre, 14-15 décembre à Paris 1, enfin, à la Maison de la Recherche à Serpente. Vous êtes tous bienvenus. Et ce sera aussi une tentative de croiser toutes ces histoires institutionnelles avec un objet de comparaison, la punition. Pour terminer sur le GRID a son site, enfin en termes d'hypothèse désormais, qu'on commence à alimenter, donc je vous invite aussi à regarder ce qui s'y passe, grid.hypothèse.org. Et c'est là-dessus qu'on mettra aussi des annonces de séminaires et de tous les projets qui font écho à notre démarche. La clé de voûte de ces... enfin la clé de la réussite plutôt de ces trois enjeux, c'est la diversité des terrains et des contextes institutionnels qui vont être abordés dans l'année. L'idée, c'est qu'on veut vraiment entendre des espaces différents, connaître aussi précisément les espaces des autres, parce qu'on est généralement très très fort sur son institution, on la connaît très très bien, et on ne sait pas ce qui se passe dans des institutions qui parfois fonctionnent de manière similaire. Donc on a envie de découvrir voilà, vos espaces et on pense que c'est avec aussi la finesse de la connaissance de chaque terrain que la comparaison, puisque c'est un projet qu'on a appelé comparatiste, comparatif, c'est de cette connaissance fine que surgira la possibilité même de faire des comparaisons. Alors je commence à trop parler, mais je vais aller vite sur quand même le mot institution disciplinaire. Et tout en vous disant que ce n'est pas du tout réglé comme affaire et que ce sera sans doute l'objet de discussions à chaque séance. D'abord, le terme institution. Alors, on a des sociologues dans la salle, donc je sais qu'on pourrait en parler très longtemps. On ne va pas faire une généalogie de ce concept. Et nous, on va pour le moment partir d'une définition simple, c'est-à-dire un système de lieux, ça serait peut-être la chose aussi importante, de lieux, d'acteurs et de règles avec une finalité dans la prise en charge des populations. Des dispositifs et des espaces de vie collective conçus pour encadrer toute ou une partie des activités, des besoins des individus dont ces institutions ont la charge. Alors c'est un terme immense et d'ailleurs nous, on commence à parler d'institutions entre nous sans même préciser de quoi il s'agit. Je sais que quand on en parle à d'autres, on peut penser rapidement à la famille, à l'État, etc. C'est pas l'idée, on ne veut pas élargir la définition au maximum, tout en, voilà, en considérant qu'on ne va pas la fermer. Mais on a considéré qu'il fallait surtout ajouter un terme, un qualificatif pour préciser ce dont on parlait. Et on a choisi le mot disciplinaire, qui là aussi a donné lieu à des discussions, qui pourraient être rediscutées avec vous. On avait pensé à d'autres options, totale, fermée, d'enfermement, d'encadrement, ségrégative. Mais tout qualificatif est imparfait et restera imparfait. On a quand même choisi institution disciplinaire. D'abord, alors c'est une expression foucaldienne et ce rapprochement opéré par Foucault, on le reprend, donc c'est aussi assumé. Mais ça nous permet aussi d'expliciter notre rapport à Foucault, pour le dire... très schématiquement, ce sera ni complexe ni dévotion, c'est-à-dire qu'on ne se refusera pas de penser avec Foucault, ou contre si on a envie, mais surtout ne pas s'en tenir là, autrement dit, ne pas s'enfermer conceptuellement de nouveau, qu'on soit foucaldien ou anti-foucaldien, déplacer peut-être les questions quand ce sera pertinent, et notre projet, ce ne sera pas de réécrire, surveiller et punir à partir d'une ressource, mais plutôt de le discuter, de nous permettre aussi d'autres questionnements, de déplacer les angles. Voilà pour le mot disciplinaire. Oui, on avait mis aussi un sous-titre sur le site du GRID, il y a un sous-titre, c'est une sorte de liste à la Prévert d'institutions, école, armée, prison, hospice, hôpital. Là aussi, ce n'est pas limitatif. Donc si vous n'avez pas une de ces institutions, vous êtes quand même bienvenue. C'est plutôt une invitation justement à continuer à interroger les frontières de ce que peuvent être les institutions disciplinaires, réfléchir à ce bornage où s'arrêtent les mondes institutionnels disciplinaires, et pas nécessairement d'ailleurs au mur des institutions, puisque certains d'entre vous travaillent sur, par exemple, les assistantes sociales, et on discutera le prolongement de la tutelle institutionnelle au-delà des institutions en termes de lieu. Alors notre approche, en quelques mots, par quoi va passer le renouvellement auquel on aspire? Je pense qu'on pourrait tous, en tout cas les organisateurs de ce séminaire, on pourrait tous se revendiquer d'une histoire sociale des institutions disciplinaires. Pourquoi une histoire sociale? C'est qu'on veut penser ensemble, et toujours ensemble, les individus et les institutions. Donc pas une histoire purement institutionnelle. Au contraire, essayer de partir des individus qui font les institutions, car il n'y aurait pas d'institution d'ailleurs sans les individus qui y passent et qui y vivent. Bref, en un mot, réincarner l'histoire des institutions disciplinaires. La deuxième chose, deuxième aspect de cette histoire sociale, c'est aussi revendiquer le fait de vouloir donner toute sa place aux concepts et aux outils de l'histoire sociale et aux sciences sociales, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir déjà deux sociologues dans la salle et deux sociologues dans le programme, puisque Julien intervient aujourd'hui, et en séance 5, on aura Xavier Delarmine. Donc on est plutôt historien, mais en fait historien du social, et on espère dialoguer au maximum avec les sciences sociales en général. Alors trois directions pour donner corps à ce projet d'histoire sociale des institutions disciplinaires: une histoire des pratiques sociales, pratiques de recrutement, d'enregistrement, d'étiquetage, de transfert, de sortie, et je laisserai Mathilde développer là-dessus. Une histoire des rapports sociaux, qui peuvent être à distance ou in situ, dans les institutions. Quels rapports les populations instituées ou qui vivent en institution ont avec les représentants des institutions disciplinaires, mais aussi avec des intervenants extra-institutionnels, familles, hommes politiques, justice, police, etc. Et aussi envisager une sociabilité institutionnelle. Donc ça, c'était le point sur les rapports sociaux. Et troisièmement, une histoire des trajectoires sociales dans les institutions, donc des parcours ou des carrières, c'est aussi des mots qu'on peut discuter, avec une idée, enfin, peut-être une ambition sur le long terme, d'essayer peut-être de construire un projet de recherche pour suivre des individus d'une institution à l'autre. Et je pense que cette première année essaiera aussi de montrer méthodologiquement comment on peut essayer de suivre des gens dans les archives ou sur des terrains plus contemporains. Voilà, un enjeu plus méthodologique, et je termine vraiment là-dessus. C'est aussi un espace où on espère penser collectivement les moyens de nos enquêtes, la fabrique de nos savoirs, parce que décloisonner cette histoire institutionnelle passe aussi par sans doute d'autres méthodes d'enquête, d'autres sources, des croisements de sources qu'on n'a peut-être pas encore fait, et repenser à nos corpus avec cette question de la comparaison des circulations et des mobilités institutionnelles. Donc je laisse la parole à Mathilde. Moi, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a choisi un peu comme objet pour la première année, les questions qu'on attend, les attentes problématiques, archivistiques. On va essayer de dire un peu l'ambition qu'il y a derrière cette première année. Alors, pour cette première année, entre les murs, au départ, on voulait appeler ça dedans-dehors. Comme c'est le journal de l'OIT, c'était un peu compliqué. Donc, on a. C'est quoi qui a été la poésie de ce titre. On a fait un choix simple. Le choix d'un objet simple qui donne à voir et à problématiser la porosité des univers institutionnels. Le but, c'était d'essayer de comprendre ce qui se joue à l'interface des institutions et de travailler d'abord sur ce qui circule entre les institutions. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est arrêté pour une première année, sachant que cette question de la porosité des univers institutionnels et de leur mobilité, c'est une question on a déjà mis une idée pour les années à venir. C'est une question riche. On s'est arrêté sur la question des circulations. À partir du moment où on prenait la question des circulations, il y avait plusieurs types de circulations qu'on pouvait envisager. Des circulations humaines, évidemment, celles des personnels, des instituts. Et l'idée, alors, c'était de travailler sur ceux et celles qui circulent et de sortir de la vision statique dont a parlé Elsa, qu'on a fortement quand on est à l'intérieur du travail sur les institutions, et de réfléchir un peu plus à une vision mobile des populations instituées, assistées, malades, délinquantes, selon les catégories sur lesquelles on travaille. Il y avait aussi la possibilité, on n'exclut pas pour les années à venir, mais de travailler sur les circulations matérielles, sur la circulation de l'argent, des livrets, des fiches, des circulations symboliques avec l'échange de procédés administratifs entre les institutions, des valeurs, des discours, ou encore des circulations de techniques, de savoir-faire. Il y a tout un tas de circulations qu'on avait envisagées au départ, et finalement, puisqu'on avait tous placé au cœur de nos travaux les individus qui vivent dans l'institution, c'est on est reparti de la question de la circulation des hommes et des femmes pour cette année. Donc si on regarde bien dans le séminaire, on va voir des oubliés, des vieux, des fous, des prisonniers, des bagnards, des mutilés, je ne sais pas si c'est des placements du coup, mais voilà, on a plein de questions, plein de populations à observer pendant ce séminaire. Le but, c'est d'essayer de réfléchir à tous les acteurs engagés dans le mouvement et en questionnant à chaque fois les mobilités, à la fois en réfléchissant à la fréquence, aux motivations qui sous-tendent ces mobilités, pardon, et aux modalités administratives qui structurent l'ensemble de ces mobilités. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à saisir, qu'est-ce qu'on cherche à approcher en regardant du côté des circulations humaines? On cherche d'abord à approcher des questions de flux de population, c'est-à-dire à réfléchir au turnover dans ces institutions, en s'interrogeant justement sur la quantité des quantités, la fréquence des personnes qui circulent, mais aussi à l'inverse, en réfléchissant à l'immobilité, à ceux qui ne bougent pas, ceux qui bougent moins, avec une question importante, hein, du nombre, pour essayer de comparer les institutions entre elles, mais aussi pour dimensionner notre objet et ne pas surinterpréter, pas tomber dans un excès inverse, en voulant voir justement de la mobilité, oublier que peut-être que les flux sont extrêmement différents d'une institution à l'autre, et deux, selon la métaphysique des lieux qui joue énormément sur, évidemment, la mobilité. Donc, première chose auquel on aimerait réfléchir, c'est justement dans quelle mesure chacune de ces institutions est l'espace d'un turnover. Deuxième question qu'on s'était posée au départ sur ces circulations, c'est la question des tris à l'entrée et à la sortie, la question des procédures de tri. En première séance, elle va être beaucoup sur ces questions-là, mais celle de mai sur les prisons et l'asile sont aussi largement sur ces procédures de tri. Donc, il y a un deuxième ensemble de questions autour du tri, de ceux qui vont du tri et du passant. Troisième question, c'est la question des transferts, en s'interrogeant sur les mobilités individuelles ou collectives, d'où notre choix de... Alors, tout à l'heure, Delay disait qu'il y avait un sujet un peu particulier, mais travailler aussi sur à la fois des pivots, des espaces qui organisent ces mobilités, avec des personnes pivots qui organisent ces mobilités, comme les assistantes sociales, mais aussi en travaillant sur des populations mobiles. Alors, je pense dans les différents sujets qu'on va aborder avec les soldats ou les enseignants, les gens. Et puis, on n'a pas de séance consacrée directement à ça, mais on abordera probablement à chaque séance aussi la question des rituels d'entrée et de sortie, en étant attentif à ce qui joue matériellement, ce qui joue comme jeu, ce qui joue comme rôle dans tous les déplacements et dans toutes les installations qu'on va pouvoir rencontrer cette année. La mobilité en institution, c'est donc dans un premier temps un moyen pour nous tous, d'apprendre à mieux connaître le quotidien des institués, à mieux observer les chaînes institutionnelles, à identifier des parcours types dans la prise en charge des individus d'institution en institution, à mieux caractériser les institutions du début de la chaîne jusqu'à la fin. Pour poser cette question neuve des circulations institutionnelles, quel matériel on va mobiliser? Quelles archives vont nous donner accès aux circulations? Qu'est-ce qu'on va relire des archives dont on est déjà familier pour essayer de comprendre cette nouvelle question? Alors, au début, en amont, et quand on espère beaucoup que ce chapitre-là va s'enrichir, on avait pensé à une grande distinction d'abord d'archives, peut-être entre les archives mobiles et les archives qui restent dans les institutions. Les archives mobiles avec les dossiers personnels et l'institut, évidemment les correspondances administratives, les fiches, les certificats, les livrets de PQ, les livrets militaires. On avait fait une sous-distinction avec parmi celles qui circulent, celles qui sont intrinsèquement mobiles et celles qui doivent circuler. Donc pour l'instant, c'est un peu artificiel. Mais l'idée pour nous, c'est aussi de réfléchir sur les finitions. On a vu que ça avait beaucoup enrichi, pour certains, enrichi notre approche des archives. Et on avait vu des grosses continuités archivistiques. Et là, il y a aussi cet enjeu-là. Et puis, sur les archives qui restent, on pensait évidemment à celles dont on va peut-être parler aujourd'hui, mais celles qui vont être mobilisées dans cette opération de mesure, les archives qui enregistrent à un moment donné pour une institution donnée, avec les registres d'entrée et de sortie, puisqu'il y a une grosse partie de l'histoire sociale de ces institutions qui est en train d'être renouvelée grâce grâce à ces archives-là, au bulletin de transfert, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que ce séminaire est aussi un lieu de réflexion sur les archives que produisent les archives, les institutions, en particulier évidemment celles qui produisent de la mobilité. Et ça, c'est d'autant plus vrai que les archives des institutions disciplinaires sont, c'est pas un passage obligé parce qu'on est des historiens, c'est aussi parce que les archives des institutions disciplinaires sont l'expression écrite de l'administration des individus et que les étudier, c'est pas seulement un point de départ, c'est pas seulement un outil, c'est aussi pouvoir observer les formes de gouvernement qui se mettent en place pour gérer les populations. À travers ces questions, qui sont des questions d'archives, on a aussi des questions administratives. Donc on parle des individus, mais finalement, ce qu'on va interroger derrière ces questions de circulation, c'est aussi la question de l'activité institutionnelle. Même si le point de départ, donc, ce sont les populations, se pose derrière la question de la nature, de l'efficacité des institutions. Puisque chercher à identifier les acteurs qui sont en jeu dans ces circulations, c'est d'abord se demander où se situe le pouvoir de décision. C'est s'interroger sur la nature de ce pouvoir, c'est se demander qui décide, qui applique, qui participe, qui subit, qui place. Deuxième chose qui fait que poser la question des circulations humaines, c'est aussi poser la question du pouvoir et du fonctionnement institutionnel, c'est l'idée que l'institution va être questionnée en étudiant les savoir-faire administratifs qui organisent les situations, les savoir-faire ou les compétences administratives qui organisent ces circulations. Donc à travers la mesure du degré d'improvisation, de formalisation, de bricolage qui préside au déplacement des populations, on va essayer de s'interroger sur une autre grande question qui est celle de l'efficacité administrative des institutions. Et il y a une dernière série de questions qui va permettre de mieux comprendre l'activité institutionnelle, qui porte sur l'inventivité administrative et qui va nous pousser à réfléchir à ce qui renouvelle les formes de circulation humaine. Est-ce que, par exemple, quelles sont les raisons pour lesquelles on invente la liberté conditionnelle? Est-ce que toutes ces inventions administratives, elles sont là pour économiser, pour fluidifier, pour humaniser? Alors, on sait tous que c'est un peu détroit. Il faudra réfléchir justement à ces motivations en se demandant ce que recherchent les institutions dans la transformation de leur mode de gestion des flux de population et de personnes. Derrière ces dispositifs de circulation, finalement, on a une très grande question chronologique, qui est celle de la modernisation des institutions à l'époque contemporaine et de leur humanisation. Évidemment, enfin, dans le feuilletage problématique, il y a une couche ultime de questions, qui est celle des effets des circulations sur les populations et sur le personnel. Alors, cette question, elle est presque première dans ce qui nous intéresse tous, donc sur la musique de séminaire, et en même temps, on sait bien que c'est généralement ce à quoi, en termes d'archives, on a accès en dernier. Mais on peut distinguer deux grands types de questions autour de ces effets des circulations sur les populations. D'abord, première question, c'est comment est-ce que les populations agissent et réagissent quand elles circulent? Comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on mesure ce qui relève de l'acceptation, de la négociation, des stratégies, des résistances et voilà, comment est-ce qu'on mesure la liberté des institutions? Et on rappellera que si on suit plutôt l'histoire des relations de pouvoir, ça permet toujours aussi de penser la possibilité de résistance, et que s'il y a des relations de pouvoir à travers tout le champ social, c'est aussi parce qu'il y a de la liberté partout. Donc on posera aussi cette question de la liberté des libertés en fait, que déploient les individus dans ces institutions. Et puis deuxième série de questions à l'intérieur ces effets de circulation sur les individus, c'est la question des traces, la question de la mémoire de ces circulations dans les parcours individuels, éventuellement des traces dans les corps, on pense au livre de Farge sur les bracelets de parchemin, des traces dans la vie collective, des traces dans les papiers d'administration. De quelle façon est-ce que les individus portent une histoire de leurs déplacements? Quel bagage institutionnel les individus emportent-ils avec eux? Comment est-ce que le passé scolaire détermine la trajectoire institutionnelle ultérieure? Comment est-ce que le passage par une institution asilaire transforme la perception que l'on a synthétiquement, je ne vais pas m'entourer, mais en gros, comment, quand on est passé à la vie, on est étiqueté à vie comme étant potentiellement psychiatrisable. C'est pas beaucoup mieux dit, mais voilà. Là, notre question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a une mémoire de papier, parce que c'est ça à laquelle on a accès, d'institution en institution. Derrière cette dernière série de questions, il y a bien sûr l'enjeu de mener une histoire sociale des populations en institution disciplinaire, à savoir de prendre, et là on retombe sur le groupe de sociaux dont on parlait tout à l'heure, mais de prendre la mesure des contraintes et des accommodements qui structurent ces trajectoires individuelles en interrogeant la spécificité des rapports sociaux qui se jouent dans ces nouveaux lieux de vie. Pour terminer, on est beaucoup trop long, mais pour terminer, on voudrait insister sur deux fragilités qui sont constitutives au projet de ce séminaire. La première fragilité, elle tient à l'échelle d'analyse. Elle tient au danger d'une pro, au danger de l'éclatement institutionnel. Et elle peut se résumer simplement, en fait, d'oublier, dans un risque, celui d'oublier la chronologie. Alors même que, justement, on n'a pas trop dit encore, mais un des gros enjeux de notre projet général, c'est l'éclatement. Le but, c'est quand même précisément de penser ensemble la modernité des prises en charge des institutions en se demandant si on a des ruptures chronologiques partagées, si les reconfigurations institutionnelles coïncident chronologiquement. Est-ce que si la segmentation de la prise en charge des individus à l'époque contemporaine en Europe joue sur justement ces circulations? Est-ce que ça a entraîné des circulations? Est-ce que l'invention de l'asile, de l'hospice, la segmentation des secteurs de l'assistance ou du soin, est-ce que ça a accompagné une reconfiguration disciplinaire? Est-ce que les réformes sur la récidive en 1985 de la prison, ça multiplie les espaces, etc. La question, c'est on a plein de questions chronologiques, et le risque, évidemment, c'est d'avoir une difficulté à mettre ensemble nos différents résultats. On s'est dit dans un premier temps, pour se rassurer, que pour sortir de cette impasse méthodologique qui fait qu'on n'allait pas produire en un an une réflexion globale sur l'histoire des institutions disciplinaires en Europe, et bien on irait regarder justement de très près les tensions dans les différentes institutions, par exemple à regarder à chaque fois quand est-ce qu'il y a des effets d'ouverture, des effets de circulation plus importants, essayer d'identifier des moments particuliers, et puis à chaque fois en interrogeant les gens qu'on va avoir la chance d'écouter, d'essayer de regarder la chronologie institution par institution. Et à la fin, peut-être qu'on aura des résultats qui sont efficaces pour penser plus globalement. La seconde limite sur laquelle, la seconde fragilité qu'on voulait soulever dès l'introduction, c'était de se dire qu'en regardant que les institutions et les individus, et bien on pourrait évidemment un risque majeur quand on regarde les circulations, c'était de ne voir ni les tiers, ni les familles. Et du coup, de se couper de tout le contexte extra-institutionnel, c'est-à-dire en décloisonnant notre approche institutionnelle, et bien de pas du tout désinstitutionnaliser notre lien et de rester, de ne pas passer par la classe famille. Donc il suffit de l'avoir à l'esprit. En plus, on sait, je pense à l'article d'Isabelle Fondeville sur l'enlever, on sait à quel point les circulations, les familles jouent un rôle, ou l'absence de famille joue un rôle très important dans le fait qu'on reste dans une institution. Là, puisqu'on va plutôt travailler sur ce qui bouge, c'est une question qu'il va falloir avoir à l'esprit et qu'on n'a pas formulé telle quelle dès le début dans le projet. Et puis pour terminer, je pense que je termine depuis un moment, mais là je termine vraiment, un petit regret, et qui se traduit d'ailleurs dans la présence de tous, hein. On a personne sur l'école, peut-être. Il y a quelques personnes qui travaillent sur l'école, il y a Jérôme Croc, je crois, c'est tout dans le programme. Dans le projet de mission, on a réussi à arrimer des gens qui viennent de l'institution scolaire, mais on a encore ce qui nous plaisait beaucoup, c'était de casser l'approche coercitive. Déjà, on avait soin et de la coercition ensemble, mais ça, sont des liens qui sont faits depuis très longtemps. Et ce qui était intéressant avec les gens de l'école, c'est qu'il y a vraiment une histoire qui ne s'est pas faite de ces rapprochements-là. Donc, si vous connaissez des gens qui travaillent sur l'éducation, et que ces questions intéressent, ils sont les bienvenus, puisque cette institution, elle nous aide aussi à réfléchir justement au caractère disciplinaire, strictement disciplinaire, des choses sur lesquelles on travaille. Voilà, on en parle trop. Là, on va continuer de là.